C'est la période de recrutement. On fait le tour des collèges, voir s'ils sont contents de leur récolte. On sait qu'il y a 2 semaines, on a parlé avec François Laberge. Très, très content. Là, on va parler avec un autre collège qu'on suit. Les activités, c'est les Cougars de Chicoutimi avec Nick Manachi. Salut, Nick. Salut, Danny. Nick, es-tu content des récoltes, de ta récolte jusqu'à maintenant? Oui, jusqu'à maintenant, ça va très bien. On a quelques joueurs qu'on aurait aimé qu'ils joignent à nous, mais il y en a qui ont fait des choix d'aller vers des divisions supérieures en division 1. Mais sinon, les joueurs qu'on a jusqu'à maintenant, ça s'annonce bien. Vraiment, on est content. On est surtout content au niveau du nombre et de la qualité. Donc, oui, on est très content de recrutement jusqu'à Ton maintenant. voyage en France, parce que j'ai parlé avec. Au moment où j'ai parlé avec François, il était en France. Vous étiez tous les deux là-bas. Coudonc, j'ai dit, Oui. c'est-tu la terre promise maintenant? C'est quasiment ça, hein? La France, là. Puis je disais ça à François. Lui, il cherchait pas vraiment. Il disait qu'il y avait assez de joueurs. Donc, pas mal. Donc, ça a dû t'ouvrir les portes à quelque part. Ben, dans le fond, moi, tu sais, moi, quand je vais en France, j'ai pas une mentalité de partir de là avec 20 joueurs de la France, là. OK. Donc, je cherche pas d'en avoir 12, d'en avoir 13 dans mon équipe non plus. Donc, tu sais, je veux dire, je prends l'exemple d'un article que j'ai lu, là, où François disait qu'on allait peut-être venir à avoir 20, 25 Français dans nos équipes. Je pense pas qu'on va se rendre jusque-là. Moi, personnellement, c'est pas mon but, c'est pas ma visée, pas du tout. J'avais déjà des joueurs que je recrutais, que j'avais déjà ciblés l'année d'avant. Donc, on est allé vraiment chercher les joueurs qu'on voulait, qu'on avait besoin. Là, on a un gros joueur de ligne défensive qui s'est engagé avec nous, selon moi, le meilleur joueur de ligne défensive de l'équipe de France junior l'an passé. Donc, on est très content. On a vu des joueurs, on a vu des porteurs de ballon, on a vu des. Non, c'était super bien. C'est sûr et certain que la France amène une autre option au recrutement. Donc, ça va. Oui, c'est sûr et certain que la France. Il y aura pas moins de joueurs de la France qui vont jouer au Québec dans les prochaines années. Je pense que ça va toujours aller en augmentant. Ben oui, c'est sûr. Bon, on va parler des vraies affaires, des affaires qui nous Yes. intéressent. Dans le Haut-du-Lac, tu as signé plusieurs joueurs. J'en ai vu passer quelques-uns sur les médias sociaux, dont un joueur de ligne de Chibougamau. Oui, un joueur de ligne de Chibougamau, Samuel Leblanc, qui s'est engagé avec nous déjà il y a 2 semaines, mais là, on l'a officialisé en fin de semaine à la pratique. On a un joueur de Chibougamau, on est sur d'autres dossiers dans le coin de Chibougamau également. Ensuite de ça, Ça doit on être a bien, plusieurs quelque joueurs du part, les Haut-du-Lac. joueurs de Chibougamau, là, Serge Bouchard, ça fait plusieurs fois que j'y parle. Ils doivent être bien entraînés. C'est pas facile là-bas, Chibougamau, mais les joueurs que tu recrutes là-bas, là, ils doivent être bien. Ça doit être des gars engagés quand même, hein, parce que Serge Bouchard, ça fait longtemps qu'il tient ça à bout de bras, Chibougamau, là. Oui, absolument. Serge, il fait un travail remarquable depuis plusieurs années. Il y a plusieurs années, il y a quelques années, on disait qu'il tenait ça tout seul à bout de bras. Et là, c'est le fun de voir. T'sais, moi, j'ai vu des gars comme Nicolas Lallemand, Ah, OK. je me souviens plus de son nom, là, comme Éric Quéran, qui est retourné coacher avec lui. J'ai vu des gars de football là, qui gravitent autour de Chibougamau. Fait que ça, c'est le fun aussi. Puis on le remarque dans les joueurs qui graduent. Je veux dire, moi, dans mon équipe l'an passé, j'en avais deux. Deux joueurs des Faucons de Chibougamau. Là, cette année, il y en a un qui choisit à nous, là. Okay. Donc, c'est ce qui est le plus dur, je pense, que c'est de les sortir de là-bas de Chibougamau. Et surtout que eux, ben, dépendant des programmes scolaires qu'ils vont choisir, ben, si les programmes scolaires se donnent dans leur région, ben, c'est sûr et certain que ça prend un jeune motivé pour partir puis s'en venir à Chicoutimi ou à Jonquière ou à Alma pour venir jouer au football, là. Je veux dire, c'est quand même une bonne distance. Samuel est motivé. C'est tout un bonhomme, là. C'est tout un bétail, là. C'est un 270 livres bien comptés, là. Donc, c'est un gars qui va venir ici, il est très jeune, il a 16 ans encore actuellement. Donc, lui, il va pouvoir prendre le temps, on va prendre le temps de le développer bien comme il faut. Mais oui, les joueurs qui arrivent de Chibougamau, souvent, ils ont des bonnes éthiques de travail, ça, c'est le fun. OK. Alexis Thibault, des Centurions Saint-Félicien, un receveur de passe qui peut également jouer comme demi de coin. Oui, exact. Alexis, c'est un joueur d'impact, c'est un gars qui va avoir un impact dans son équipe dès la première année, ça, je suis sûr et certain. Il est déjà à la pratique d'hiver, là, samedi, là, il a fait ouvrir les yeux à bien des gens. C'est un très bon joueur, Alexis, qui était convoité par plusieurs équipes, même, je sais, en division 1. Il a fait le choix de s'en venir jouer avec nous. C'est vraiment, nous, on est très contents. Plus tous les autres joueurs de Saint-Félicien qui se sont joints à nous jusqu'à maintenant. Je prends Olivier Julien, qui vient du Lac Bouchette, qui est un joueur de ligne offensive. Qui a fait qui a été très bon à la pratique de samedi. Après ça, Simon Grimard, un autre joueur de ligne offensive, 6 pieds 4, 225 livres. Je veux dire, hey, c'est un 6 pieds 4, physique, c'est un joueur à 225 livres développer. à cet âge-là, 16. c'est incroyable. C'est incroyable. Mais est-ce que, rendu à 16 ans, parce que 6 pieds 4, 225 livres, son physique est pas mal développé, oui, tu peux ajouter encore 20-25 livres sur charpente. Le meilleur est à venir, Danny. Le meilleur est à venir. Quand on regarde un gars comme ça, un jeune motivé, qui me fait sentir depuis le début qu'il a hâte d'être avec nous autres, qui a envie de faire partie de cette aventure-là. Donc, ça veut dire que c'est un gars qui va s'entraîner déjà avant d'arriver. Quand il va arriver avec nous, il va s'entraîner. Quand il va arriver ici pour s'entraîner, il va avoir la chance de travailler avec Quentin Schiano, avec Shane Gauthier, avec UC Pierre. Donc, ce jeune-là est à développer. Ça va être... on s'en reparlera dans quelques années, là, mais d'après moi, Simon, c'est un méchant beau potentiel. Je veux dire, juste de base, juste au niveau physique, je veux dire, c'est quelque chose. Okay. Après ça, on a Félix Quentin aussi. Ouais, oui, Félix Quentin. Pardon? Félix Quentin, c'est pas un gars qui vient du Haut-du-Lac, c'est un gars qui a joué pour Saint-Félicien. Ouais. Après ça, on a, dans le fond, Simon Grimard, Olivier Julien, Alexis Thibault, Félix Quentin, j'espère que j'en oublie pas, je veux pas en oublier. Tu m'as dit que t'étais sur d'autres dossiers. Oui, absolument. Il y a des joueurs qui nous intéressent beaucoup dans le Haut-du-Lac. Je veux dire, même affaire, il y a des joueurs de Saint-Félicien cette année qui ont fait le choix d'aller en Division 1, qui se sont engagés avec des équipes de Division 1. Moi, je leur souhaite toujours un bon succès. C'est certain qu'on aurait aimé ça les avoir avec nous. C'est des joueurs régionaux. Sauf que c'est des joueurs qui aspirent à jouer à un autre niveau. Donc, on leur souhaite bonne chance d'ici là. Mais il reste encore des très bons joueurs à Saint-Félicien qui n'ont pas encore arrêté leur choix. Donc, on travaille très fort encore. C'était une grosse cuvée à Saint-Félicien cette année. Vous avez jusqu'au 1er mars signé les joueurs pour le premier tour. Il faut dire que c'est un règlement de niveau collégial. Peu importe. C'est pas rien que le football. Là, c'est tous les étudiants qui veulent faire leur demande, les étudiants au niveau secondaire. Après le 1er mars, est-ce que normalement c'est pas mal tout réglé? Hein? Mais la plupart c'est réglé. Ben, du moins, on a des indicatifs. Je veux dire, on a des jeunes, nous, mettons, je donne un exemple, un jeune de Québec qui est venu pratiquer avec nous, qui a d'autres pratiques à faire. Donc, lui, il fait une demande peut-être dans la région de Québec, puis il fait une demande après ça dans la région de Chicoutimi, qui fait une demande au cégep de Chicoutimi. Donc, c'est d'attendre les demandes après le 1er. Sauf qu'un étudiant qui va pas dans un programme qui est contingenté comme sciences humaines, comme des fois en tremplin ou des choses comme ça, ben des fois, il y a des joueurs qui vont attendre un petit peu plus longtemps avant de faire leur demande. Ils vont faire leur demande des fois au deuxième tour, au troisième tour. Ça peut, je veux dire, l'an passé, je veux dire, le dernier joueur que j'ai officialisé dans mon équipe, c'était au mois de juin. Donc, ça peut mettre, parce que lui, c'est un étudiant qui est en pilotage. Okay. Donc c'est sûr que tout dépendant des programmes, ben ça nous permet justement de ce qui est bien avec la date du 1er mars, c'est que on est déjà beaucoup plus conscient des joueurs qu'on va avoir dans notre équipe, des joueurs qui vont faire partie du cégep l'année prochaine. Donc par les demandes d'admission, donc ça c'est très bien. Là, le camp d'entraînement printanier on est encore en hiver, mais c'est quand même ça. C'est commencé votre dossier, là? Ben c'est on met les premières pierres, c'est ce qu'on est en train de faire. Je sais, pour moi, l'hiver, c'est une préparation. C'est une préparation pour le camp de mai qui a lieu aux alentours. Normalement, c'est la première. Moi, personnellement, je le fais la première fin de semaine de mai, donc 5, 6, 7 mai, je me souviens bien, par cœur. Donc, c'est rendu là. Contrairement au recrutement qui se faisait dans les années d'avant, où ce que les joueurs ils venaient, on n'avait pas besoin de travailler aussi fort pour le recrutement. Je veux dire, on s'attendait, puis les joueurs, quand ils arrivaient, c'est là qu'on commençait à avoir des joueurs qu'on n'avait pas vus en hiver. Là, maintenant, avec les pratiques d'hiver, ben, je veux dire, moi, là, après ma première pratique d'hiver, il y a des joueurs que j'ai confirmés, donc à qui j'ai fait signer des lettres d'intention. Donc, j'ai déjà une meilleure idée de quoi va avoir l'air mon équipe avec mes 31 vétérans, avec mes recrues qui s'en viennent, mes joueurs que j'ai signés. Donc, si j'ai signé déjà une quinzaine de joueurs, ben, c'est sûr et certain que ça laisse moins de place pour les suivants, tu sais, pour les joueurs qui vont arriver. Sauf que l'automne est très loin d'année. On officialise des joueurs qui des fois, ils réussissent pas à passer leur secondaire, ils sont obligés de faire une année supplémentaire. Il y a des joueurs qui décident finalement de faire un DEP. Il y a des joueurs qui se disent, pour moi, le football, c'est peut-être trop cégep. Donc, il y en a qui arrêtent de jouer. Donc, on est encore très loin. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire un recrutement qui avoir plus de joueurs sous la main pour être sûr d'avoir un bon nombre de joueurs à l'automne. Là, c'est quoi la séance d'entraînement? Puis quand tu dis j'ai fait commettre des joueurs après la séance d'entraînement, c'est quoi? Sur quoi tu te bases pour l'évaluer? Sur le sérieux, sur la forme physique, sur le lâcher? Puis c'est quoi? Ben, de base, je veux dire, quand on, il y a des joueurs qu'on a vu jouer pendant l'automne, donc des joueurs qu'on a vu jouer au niveau juvénile. Donc, on a eu la chance. Je te donne un exemple, je prends l'exemple de Samuel Leblanc. Samuel Leblanc, qui est de Chibougamau, j'ai eu la chance de le voir jouer cette année au football 8 contre 8. J'ai eu la chance de le voir jouer aussi au Jamboree l'an passé. Donc, je l'avais déjà vu. J'avais déjà vu qu'il avait un bon physique. On avait déjà vu un peu qu'est-ce qu'il était capable de faire. avec la pratique, on savait déjà. Es-tu là? Nick?